le souvenir précieux de tes joies et de tes rires. Je garderai comme un cadeau ma si nouvelle solitude. Tu ne reviendras pas sur tes pas. Tu ne verras plus le rivage. Et puis un jour tu m'oublieras. Et puis un jour tu m'oublieras. Tu ne reviendras pas sur tes pas. Pendant ce temps tu vieilliras dans un quotidien sans charme. Pendant ce temps tu regretteras. Parfois tu verseras des larmes qui couleront comme un cadeau que je te fais bien à distance, qui te diront le froid de l'eau et puis le poids de la souffrance. Pas. Tu ne verras plus le rivage. Et puis un jour tu m'oublieras. Et puis un jour tu m'oublieras. Tu ne reviendras pas sur tes pas. Pendant ce temps tu changeras et tu prendras des habitudes. Parfois, peut-être tu penseras à notre si brève aventure. Et un jour, comme par hasard, qui dissimule nos mystères, on se rencontrera trop tard avec nos rides dernières. Tu ne reviendras pas sur tes pas. Tu ne verras plus le rivage. Et puis un jour tu m'oublies. Et puis un jour tu m'oublieras. Tu ne reviendras pas sur tes pas. J'aurais conservé ton cadeau, cette si vieille solitude. Je te dirais tiens, il fait bon, marchons un peu, le vent est dur. Tu voudras revenir sur tes pas et revoir le vieux rivage. Tu penseras comme autrefois, mais quand tu te retourneras, je ne serai déjà plus là. Il fait calme dans ma solitude. Tes rides apparues loin de moi me seront comme des meurtrissures. Des meurtrissures. Je ne reviendrai pas sur mes pas. Je t'abandonne là, le rivage, où un jour tu m'oublieras, bien avant la fin de ton âge. jour tu m'oublieras, bien avant.